dalle ce matin. Montre-moi tes seins. J'avais oublié que t'étais chagrin. Pourquoi je suis resté, quel crétin. Ne pleure pas, c'est pas. Veux-tu un verre de vin? C'est un con, fais attention. Touche, j'ai une érection. Un pantalon où tu peux tout virer, sinon c'est pas la joie avec toi. Ah, ah, ah. J'espère plus, je compte sur mes doigts. Ah, ah, ah. Les mouchoirs sont par là, je ne tiens que 30 secondes en apnée. Tu renies la vie à deux, c'est pas gagné. Je rêve de jambon. Tu reconnais que c'est un con. Viens tuer ton chagrin dans mes bras. Allez, embrasse-moi. Je mangerai bien du chocolat. Viens t'allonger sur le lit. Regarde, le plafond est joli. À travers le Vénilux, le ciel est bleu, c'est le luxe. J'ai envie de bronzer sur une plage. Si on partait en voyage, c'est pas la joie avec toi. Ah, ah, ah. Je respire plus, je compte sur mes doigts. Ah, ah, ah. Les mouchoirs sont par là, je ne tiens que 30 secondes en apnée. Tu renies la vie à deux, c'est pas gagné. Partir d'ici, tu es bien sur ce lit. Moi je serai bien à Tahiti. Je laisse ici mes soucis. Toi.